là, regarde ses titties, je crois qu'elle a un gros bonnet. Ouais, la skip est là, OnlyFans, on dirait que je vais m'abonner. Bitch, on fume la straight, non, on fume pas le doré. Y'a plus de passe dans mon gang, on est fermé comme la Corée. I skip saying, cowgirl, ever I'm right, comme un poney. Tu veux vivre mon lifestyle, nigga, c'est pas donné. Ouais, nigga, c'est pas donné. What the fuck, Can't be Ryan, non, no dick. Tu me verras pas sucer des bits. J'vais pas payer pour un feed. Mais tu vas me payer pour un feed. Demande à T, c'est quoi le feed? Bill en caisse, après on split. Elle c'est une freak, elle fait des splits. Après elle spit, comme je spit. Little nigga, tu pourras jamais preach. Comme je preach, j'ai toujours su que c'était une bitch. J'me demande où est sa leash. Little nigga, tu peux pas me stop. J'm'arrêterai quand j'serai riche. C'est des classiques que j'fais bitch. C'est pas du rap de niche. What? C'est des classiques que j'fais bitch. C'est pas du rap de fou. Nigga, quand le check hit, j'suis toujours au rendez-vous. Il fallait trouver une solution. Ok, je me dévoue. Ouais, il fallait trouver une solution pour sortir de la boue. Boom, je crois qu'il leur faut un coup de main. On va leur mettre des coups. Cette bitch réclame des coups de rein. Nigga, ton swag il ne coûte rien. Nigga, essaye pas de copier le mien. Nigga, moi et la prod, on a créé un lien. Nigga, moi et ses rappeurs, aucun lien. Nigga, moi et ses rappeurs, aucun lien. Je me sens comme un alien. Nigga, ça se voit t'as un mal-être. Nigga, ça se voit tu stresses. Nigga, ça se voit que t'es pas net. Ici, on parle que de word. Ici on parle que de money, money. Là je regarde ses titties, je crois qu'elle a un gros bonnet. Ouais, la skip est là, OnlyFans, on dirait que je vais m'abonner. Bitch, on fume la straight, non, on fume pas le doré. Y'a plus de passe dans mon gang, on est fermé comme la Corée. I skip saying, cowgirl, ever I'm right, comme un poney. Tu veux vivre mon lifestyle, nigga, c'est pas donné. Ouais, nigga, c'est pas donné. What the fuck, what the.